Bienvenue aux gens qui nous écoutent sur Facebook, également sur Twitter et toutes les plateformes web, audio et également vidéo. Et avec moi, j'ai le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Matchosian. On sait que la semaine dernière, c'était l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Salut, Danny. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On a eu un Super Bowl un peu décevant. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour le Super Bowl. Les Chiefs de Kansas City, ne se sont pas présentés. Est-ce que tu es d'accord avec moi dans ce match-là? Ils ne se sont pas présentés, mais une autre partie, c'était que le front des Bucks était capable de se rendre au carrière, puis on était déjà au courant qu'il manquait trois joueurs de ligne d'attaque des Chiefs. Alors, se jouer dans la balance. Alors, pour moi, écoute, le fait que tu peux te rendre au carrière avec quatre joueurs, ça explique probablement le succès des Bucks dans le Super Bowl. Bon, on va y aller maintenant avec le marché des joueurs autonomes. Ça s'est mis en branle la semaine dernière. Et comment que c'était cette année? Il reste quand même que c'est une année bizarre. Il n'y a pas eu d'année l'année passée. Il y a pas, cette année, encore une fois, je vais te faire commenter ce que j'ai lu sur Three Down Nation, qui est un site anglais qui ne parle que de la Ligue canadienne de football. Selon ce site-là, ce n'est pas rassurant du tout pour la prochaine saison. Je vais te faire commenter ça. Mais comment c'était? Est-ce que les joueurs, est-ce que tu as senti que c'était une année bizarre? Est-ce que tu as senti que compte tenu qu'il n'y avait pas eu d'année, on ne sait pas ce qu'on s'en va pour l'an prochain, on veut faire une saison, mais encore là, il y a de l'incertitude. Comment ça s'est transpiré cette année de joueurs autonomes-là? Ben, c'est sûr que c'est bizarre parce qu'on n'a pas joué l'année passée, mais sinon, écoute, je pense que la plupart des joueurs qui ont signé avec leur club respectif ou peut-être ils ont changé d'équipe, ils l'ont fait avec l'idée qu'on va jouer en 2021. Qu'est-ce que les gens de Three Down Nation rapportent? Ça reste que c'est une opinion qui appartient à un ou deux en particulier, mais pour moi, puis pour notre équipe, puis je pense que pour le circuit, je suis plus que convaincu qu'on va jouer en 2021. Pour nous, c'est toujours d'aller au camp le 10 mai. Si jamais la date, il y a un changement de date pour aller au camp d'entraînement, mais on va s'adapter, puis on va tout modifier, tout ça, mais je suis très convaincu qu'on va jouer. Pour nous, c'était très important d'aller chercher des éléments, des effectifs qui vont nous mettre en position où on va avoir du succès en 2021. OK. Si on parlait d'année maintenant, des acquisitions, y a-t-il une acquisition que tu es plus fier que d'autres? Oh boy, écoute, non, je dirais pour moi, le mardi, c'était pour adresser la ligne défensive puis les secondaires. Alors pour moi, c'était très important quand on parle de front. Parce que, comme tu es déjà au courant, Danny, si tu as un bon front, comme on a au Super Bowl avec les Bucks, mais écoute, tu vas augmenter tes chances d'aller chercher une victoire puis de donner le ballon à ton attaque avec un terrain un petit peu plus court, de travailler avec. Alors, pour nous, c'était très important parce qu'en 2019, je pense qu'on a eu 27 sacs de carrière, puis c'était un domaine qui était sur le côté défensif, la ligne défensive était très importante pour moi de upgrader, si je peux le Ouais. dire, de trouver une façon de gagner la bataille de ligne de mêlée puis de se rendre au carrière. OK. Danny, si on parlait un peu des joueurs québécois, tu en as signé quoi? 5, 6, je pense. 5 mercredi, oui. 5 mercredi. Moi, je salue ça parce que quelque part, tu nous l'as dit, c'est important, mais tu n'as pas juste parlé, tu as agi aussi. Je disais, pour quelle raison tu fais ça? Est-ce que c'est pour vraiment encourager le football québécois, encourager ton produit, ou bien il y a une question aussi de fierté? Je m'explique. À l'époque de Serge Savard, il disait que ça mettait une pression supplémentaire. Les joueurs québécois, ça mettait une pression supplémentaire sur les joueurs. Ça leur mettait une pression pour gagner. Les gens pouvaient les rencontrer, pouvaient leur parler. Donc, ça les forçait à être meilleurs. Est-ce que c'est dans cette optique-là que c'est important pour toi de signer des Québécois? Mais une partie, l'autre partie, Danny, moi, d'après moi, le Québec, le RSEQ, est la meilleure conférence au Canada. OK. Regarde les dernières années, regarde le succès du Rouge et Or, regarde le succès de l'Université de Montréal, regarde Ouais. le Québécois qui joue dans la Ligue canadienne. Je ne suis pas dans le domaine de faire des faveurs à des joueurs, Mais où je suis un petit peu tanné puis fatigué dans les dernières années de voir nos meilleurs effectifs qui se font repêcher dans le cinquième, sixième, septième, huitième ronde, ils s'en vont ailleurs, puis ils ont une belle carrière ailleurs, pendant que nous, on repêche dans l'ouest du pays ou dans l'Ontario, puis les joueurs qui s'en viennent ici, puis après 2 ans, ils s'en vont chez eux. Alors, j'ai toujours dit on va choisir les meilleurs Canadiens, puis j'ai toujours dit, à talent égal, on va garder nos meilleurs effectifs chez nous. Ça n'a pas changé. On a signé 5. Mercredi passé, on est rendu à 22 joueurs québécois. Il va y avoir 22 joueurs québécois qui vont s'habiller en 2021? Impossible. Est-ce qu'on va être capable de garder les 22? Ça va être impossible. Mais la plupart, on va les garder. Puis je suis convaincu que c'est des excellents joueurs. Parce que quand on regarde les 5 qu'on a signés, que ce soit Jason Seguin-Lauzon qui a joué pour l'Ottawa, c'était un partant qui a gagné une Coupe Grey. Tu sais, Caron qui a joué pour Calgary aussi, que c'était un partant. Puis je pense que lui aussi a gagné une Coupe Grey. Kafelek Dumais qui était avec Winnipeg l'année passée, je pense qu'il a eu 22 plaqués sur les unités spéciales. Il a gagné une Coupe Grey. C'était des bons joueurs qui se trouvaient ailleurs. Alors, pour moi, c'était très important de les ramener chez eux, puis qu'ils portent une chandail que je pense qu'ils vont être fiers de porter. OK. Danny, David Foucault aussi, on a oublié d'en parler. C'est une grosse acquisition, ça. Oui, absolument. David Foucault, c'est quelqu'un que je connais tellement bien. Il a eu une belle carrière à l'Université de Montréal. Il était avec les Panthers pendant 2 ans. Il s'est rendu à BC. Il était repêché par Montréal. Parce qu'il y avait des problèmes de négociation de contrat. Alors, ils l'ont échangé. Là, l'agence, l'opportunité s'est présentée de la ramener chez nous. Puis, lui était tout à fait d'accord de retourner puis de porter des couleurs des Alouettes. Danny, moi, c'est deux petites questions. D'abord, la première, est-ce que c'est terminé le marché des joueurs autonomes? Est-ce que tu prévois faire quelques autres acquisitions ou le téléphone est toujours ouvert? Non, le téléphone est toujours ouvert, c'est plutôt tranquille. Je pense qu'on était capable d'adresser la ligne défensive, le contenu canadien, la ligne à l'attaque, la profondeur à chaque position. Ça se peut qu'il va y en avoir un autre deux ou trois peut-être qui peut nous aider puis d'amener une certaine profondeur, mais sinon, je pense que. C'est pas mal fini. Oui, oui. OK. La NCA Division 2, en fin de semaine, ça a démarré, la FCS. Est-ce que les recruteurs, parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs de cette forme d'université-là, de la NCAA, c'est la deuxième division, qui jouent dans les Canadiennes. Donc, vos recruteurs, vous, travaillez-tu pour le repêchage, c'est pour le repêchage de l'an prochain, hein, qu'eux vont être là, que vous les regardez? Mais s'il y a des Canadiens qui jouent là, c'est sûr qu'on va voir quelqu'un qui va être présent, qui va les regarder, c'est sûr et certain. OK. Oui. Mélanie, un gros merci. Félicitations pour le plaisir de se parler durant la saison. On espère évidemment qu'il y ait une saison au cours de la prochaine année. Un gros merci, bonne journée. Le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Machocha.